Messieurs, dames. Bonjour, madame. Alors, un croque-monsieur avec une salade verte, s'il vous plaît. Pour moi, un sandwich jambon-beurre, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Et comme boisson? Un demi et une carafe d'eau. Très bien.